Bien, merci beaucoup, Monique. On pensait justement montrer un extrait de Guillen Bell qui est tiré d'un film de Fernando Solanas, précisément, qui s'intitule Le regard des autres, qui est un documentaire qui a été réalisé en 1980, dans lequel 24 personnes se confient devant la caméra et évoquent la question du handicap. Donc c'est la parole de Guillen Bell que l'on va entendre dans cet extrait. C'est un extrait qui dure 6 minutes. On avait quand même envie de ponctuer vos interventions d'un certain nombre d'extraits, comme on a l'habitude de le faire, et ça nous permet d'entendre directement Guy aussi. Moi, je commençais par dire que par rapport à d'autres professions, j'estime avoir été plutôt favorisé au total. Bon. Néanmoins, par rapport à d'autres journalistes, bien sûr, je suis défavorisé parce qu'avant, je me promenais de par le monde, maintenant, ça m'est extrêmement difficile. Et pour arriver au même résultat qu'un autre journaliste, il faut que je dépense une somme d'énergie beaucoup plus grande pour arriver au même résultat. Et on est en situation de concurrence entre un journaliste dans ce pays. Et comment faire autrement? Ce qui me frappe toujours quand j'arrive dans une réunion je me trouve par rapport à d'autres gens, c'est dans un premier temps, il y a un sentiment d'indulgence ou de, pas forcément de paternalisme, mais un sentiment de favorable. Et puis, si on sort de cette image de quelqu'un, de la personne qu'il faut protéger et qu'on se permet de râler, par exemple, ou de s'engueuler ou de discuter simplement, alors là, on trouve qu'on passe les bornes, que on a été gentil avec toi, t'es handicapé, mais alors si tu te mets à nous emmerder, alors écoute, crève, tant pis pour toi. On ne le dit pas, mais on le ressent comme ça. Mais en même temps, j'aurais tendance à me dire qu'à leur place, je ne vois pas comment je ferais autrement. Parce qu'on peut aussi être agaçant, et la tentation toujours, chez les valides, c'est de dire qu'il se sert de son handicap pour s'imposer. Ce qui peut être vrai, mais qui peut aussi ne pas être vrai. Comment faire? On a l'impression de jouer constamment sur deux registres et on ne sait pas très bien comment il faut faire. Et ça me gêne beaucoup, et je veux dire que dans les rapports personnels humains, c'est constamment gênant. Une fois que je suis sorti d'un milieu sécurisant comme ici, où j'ai ma télévision, ma douche, ma cuisine, ma machine à écrire et tout ce qu'il me faut ici, quand je sors dans mon extérieur, je me sens agressé, je suis à la merci de n'importe quoi. Je me sens beaucoup plus sûr de moi et je me sens dominant la situation au téléphone. C'est ça qui m'a frappé, c'est qu'au téléphone, il n'y a pas la vision. Alors je peux parler et raconter ce que je veux au téléphone, et à la limite, si je m'engueule avec quelqu'un au téléphone, à la limite, je peux raccrocher et puis c'est terminé. Tandis que si je suis devant quelqu'un dans une réunion, je vais, par exemple, je ne m'engueule pas avec tout le monde, à supposer que je ne sois pas d'accord avec lui. Et il faut qu'ensuite je lui demande de m'aider à descendre les étages, etc. C'est extrêmement difficile. Et de m'aider éventuellement à monter dans la voiture après avoir échangé des opinions, peut-être des points de vue désagréables, etc. Alors ça, c'est assez embêtant. Que faire? Ça me gêne beaucoup, ce plan psychologique comme ça. On était habitué pendant 30 ans à avoir un certain type de rapport au monde, et puis brusquement, il faut changer ce type de rapport parce que les gens vous regardent d'une autre façon et que vous aussi, regarder les gens d'une autre façon, et on ne sait pas très bien comment il faut faire ou ne pas faire. Ou bien on est très agressif, ce qui est la réaction naturelle et normale. On se sent agressé. Bon, le sentiment que j'avais quand j'étais à l'hôpital, j'ai donc passé un an à Garches, c'était d'être un noir en Afrique du Sud. C'est vraiment l'image qui me reste, c'est-à-dire d'être un individu sans aucun droit, par rapport à des blancs qui ont tous les droits, qui peuvent obliger n'importe quel geste, et par rapport à qui je n'ai qu'à obéir parce qu'ils sont blancs et moi je suis noir. Et vraiment, c'est ce sentiment-là que j'avais. Et évidemment, là, j'ai un contentieux, comme la plupart des handicapés, j'imagine. J'ai un contentieux avec les médecins, et surtout les plus élevés en grade, ceux que j'appelle les seigneurs féodaux, parce qu'ils se comportent avec vous comme si vous étiez une espèce de chose, vous n'avez qu'à sourire quand ils font une plaisanterie qu'ils estiment drôle, que vous n'avez qu'à être content quand ils passent le nez à la porte, vous regardent pendant 45 secondes, et tout va bien, oui ça va, bon pas de problème, au revoir. Et puis vous attendez 24 heures, si vous aviez un problème dont vous auriez voulu parler, vous n'avez pas pensé ce moment, il faudra attendre 24 heures, etc. Je ne veux pas brosser un tableau misérabiliste, hein, parce que je suis au total assez content du traitement que j'ai subi et de la rééducation qu'on m'a fait faire. Je suis assez content aussi du séjour d'un an que j'ai passé à Garches, mais il y a tout un rapport avec les valides qui est à reconsidérer, et le premier jalon de ce rapport, c'est les médecins. Ceci dit, je ne veux pas être acariâtre et attaqué, ce n'est pas facile non plus pour eux peut-être. Les gens avec qui on a des rapports normaux et humains, c'est les kinésies, les kinés, les kinésithérapeutes, les infirmières aussi. Ce sont ces deux catégories-là avec qui on a des rapports à peu près normaux, on peut échanger des idées, on peut parler de la maladie, essayer de comprendre ce qu'on a. Alors là-dessus, on est moins défavorisé quand on est intellectuel, on est moins défavorisé quand on a un peu d'argent, quand on peut se défendre. Mais c'est que c'est pas facile de trouver un type de rapport entre handicapé et valide. Comment faire ? Moi, je me souviens, puisque j'ai attrapé cette polio à 33 ans, que avant, comme tout le monde, j'étais terrorisé par les handicapés. Et que faire ? Que ne pas faire ? Je suis toujours frappé quand des gens... je monte le fauteuil dans la voiture. Quand des gens viennent m'aider, d'un côté je leur suis reconnaissant, d'un côté je trouve qu'ils m'emmerdent parce que je peux me débrouiller seul, mais ils ne savent pas. Et à la limite, s'ils ne m'aident pas, je trouverais qu'ils exagèrent de ne pas m'aider. S'ils m'aident, ils m'embêtent parce que je peux me débrouiller seul. C'est pas très clair tout ça, je m'excuse. Il faudrait casser des images de marque dominantes des handicapés. Avec cette vieille notion moyenâgeuse que c'est une punition du ciel, parce qu'il y a ça derrière tout ça. Il faudrait une révolution culturelle à propos des handicapés, c'est sûr. Ah oui, alors je voulais juste dire, on est entré au CERF avec le numéro sur l'écran handicapé dirigé par Olga Béard, qui était elle-même handicapée. Et c'est effectivement extrêmement intéressant d'écouter donc la parole de Guy Hendel, défenseur lui-même du cinéma ou des cinémas des opprimés, à travers la caméra du théoricien, donc Fernando Solanas, du troisième cinéma, et de l'entendre parler, et de l'entendre, avec lesquels donc, il était très ami, mais, et de l'entendre parler, Guy, aussi à partir de son propre lieu d'oppression, qui est donc celui d'handicapé par rapport au valide. Et je trouve, hein, vous avez tous entendu cette formule extrêmement forte, quand il dit qu'il a l'impression d'être un noir en Afrique du Sud. Je trouve que l'image, évidemment, là, est extrêmement intéressante. Donc il y a une vraie mise en abîme, en plus des problématiques là qui nous intéressent, évidemment, dans le cadre de ce séminaire, de manière extrêmement, me semble-t-il, claire.